sur la lune, mec, rêvant de thune. Rêvant de thune. J'perds pas l'honneur, Esco et moi, on va se barrer au sud. On va se barrer au sud. Toujours plus, c'est notre devise. Argent, or, faut que ça brille comme les Qataris. Ta gueule c'est caries. C'est 76, on fait pas les caries. J'ai besoin de personne. Allu, à la peu, personne. Un œuf de purple, c'est envie de danser le spell. Arrêtez le rap, c'est chiant. Arrêtez votre pub. Au pire, faites du chant. Convertis-toi en pute. Ok, mec, tu sais que l'argent, ça tombe pas du ciel. J'préfère tes mains, nuages d'Audi Kush, que de mater un arc-en-ciel. J'dors pas la nuit, j'suis insomniaque. Toute la nuit, ça niaque. Ton rap, il pue la merde. On a sorti des hauts hacks. Malgré les coutures, mec, on tient toujours debout. Même devant toutes ces putes, mec, on tient toujours debout. On a tous le même but, mec, on tient toujours debout. Hein. Malgré les coutures, mec, on tient toujours debout. Même devant toutes ces putes, mec, on tient toujours debout. On a tous le même but, mec, on tient toujours debout. Hein. Tous les jours on fait les mêmes choses, on bigra pour s'en sortir. Interpellation mise sous écrou, héros pelote à peine sorti. Y'a pas de place pour les faibles, j'suis le meilleur, tu vas l'entendre. Ils voudraient nous voir couler dans le premier virage, ils nous attendent. Cousin, j'ai plaqué mes études en espérant y trouver de l'heure. J'représente tout mon 7-6 et c'est Lascar qui traîne dehors. Ça parle que d'oseille de bitch entre mecs de test. Vodka, vodka, weed, voilà comment on décompresse. Pas le temps pour les regrets, donc on agit à impulsion. J'ai jamais donné un refrain, j'ai toujours fait face à l'emprison. Cherche pas à mettre la pression, personne m'impressionne. On sera sauté, caisson, c'est la décidé que ton heure sonne. Malgré les coutures, mec, on tient toujours debout. Même devant toutes ces buts, mec, on tient toujours debout. On a tous le même but, mec, on tient toujours debout. Hein. Malgré les coutures, mec, on tient toujours debout. Même devant toutes ces putes, mec, on tient toujours debout. On a tous le même but, mec, on tient toujours debout. Hein. Ouh. 76, ma gueule. On baisse tout et on tient toujours debout, ma gueule. Esco, LRK.